et son oncle le notaire arrivèrent endimanchés jusqu'aux dents. Les convives se mirent à table et commencèrent par manger notablement bien. Grandet était grave, Charles silencieux, Eugénie muette, Madame Grandet ne parla pas plus que de coutume, en sorte que ce dîner fut un véritable repas de condoléances. Quand on se leva de table, Charles dit à sa tante et à son oncle « Permettez-moi de me retirer. Je suis obligé de m'occuper d'une longue et triste correspondance. Faites, mon neveu. » Lorsque, après son départ, le bonhomme put présumer que Charles ne pouvait rien entendre et devait être plongé dans ses écritures, il regarda sournoisement sa femme. « Madame Grandet, ce que nous avons à dire serait du latin pour vous. Il est 7h30, vous devriez aller vous serrer dans votre portefeuille. Bonne nuit, ma fille. » Il embrassa Eugénie et les deux femmes sortirent. Là commença la scène où le père Grandet, plus qu'en aucun autre moment de sa vie, employa l'adresse qu'il avait acquise dans le commerce des hommes et qui lui valait souvent, de la part de ceux dont il mordait un peu trop rudement la peau, le surnom de « vieux chien ». Si le maire de Saumur eût porté son ambition plus haut, si d'heureuses circonstances, en le faisant arriver vers les sphères supérieures de la société, l'eussent envoyé dans les congrès où se traitaient les affaires des nations, et qu'il s'y fût servi du génie dont l'avait doté son intérêt personnel, nul doute qu'il n'y eût été glorieusement utile à la France. Néanmoins, peut-être aussi serait-il également probable que, sorti de Saumur, le bonhomme n'aurait fait qu'une pauvre figure. Peut-être en est-il des esprits comme de certains animaux qui n'engendrent plus, transplantés hors des climats où ils naissent. « Monsieur le président, vous disiez que la faillite... » Le bredouillement affecté depuis si longtemps par le bonhomme, et qui passait pour naturel, aussi bien que la surdité dont il se plaignait par les temps de pluie, devint en cette conjoncture si fatigant pour les deux cruchots qu'en écoutant le vigneron, ils grimaçaient à leur insu, en faisant des efforts comme s'ils voulaient achever les mots dans lesquels ils s'empêtraient à plaisir. Ici, peut-être, devient-il nécessaire de donner l'histoire du bégaiement et de la surdité de Grandet. Personne, dans l'Anjou, n'entendait mieux et ne pouvait prononcer plus nettement le français angevin que le rusé vigneron. Jadis, malgré toute sa finesse, il avait été dupé par un Israélite qui, dans la discussion, appliquait sa main à son oreille en guise de cornet, sous prétexte de mieux entendre, et baragouinait si bien en cherchant ses mots que Grandet, victime de son humanité, se crut obligé de suggérer à ce malin juif les mots et les idées que paraissait chercher le juif, d'achever lui-même les raisonnements du dit juif, de parler comme devait parler le damné juif, d'être enfin le juif et non Grandet. Le tonnelier sortit de ce combat bizarre, ayant conclu le seul marché dont il ait eu à se plaindre pendant le cours de sa vie commerciale. Mais s'il y perdit pécuniairement parlant, il y gagna moralement une bonne leçon et plus tard il en recueillit les fruits. Aussi le bonhomme finit-il par bénir le juif qui lui avait appris l'art d'impatienter son adversaire commercial et, en l'occupant à exprimer sa pensée, de lui faire constamment perdre de vue la sienne. Or, aucune affaire n'exigea plus que celle dont il s'agissait, l'emploi de la surdité, du bredouillement et des embâges incompréhensibles dans lesquels Grandet enveloppait ses idées. D'abord, il ne voulait pas endosser la responsabilité de ses idées, puis il voulait rester maître de sa parole et laisser en doute ses véritables intentions. Monsieur de Bonbon-Bonfond. » Pour la seconde fois depuis 3 ans, Grandet nommait Cruchot neveu Monsieur de Bonfond. Le président put se croire choisi pour gendre par l'artificieux bonhomme. « Vous disiez donc que les faillites peuvent dans certains cas être en péché par les tribunaux de commerce même. Cela se voit tous les jours, » dit Monsieur C. de Bonfond, enfourchant l'idée du père Grandet, ou croyant la deviner, et voulant affectueusement la lui expliquer. « Écoutez, j'écoute, » répondit humblement le bonhomme, en prenant la malicieuse contenance d'un enfant qui rit intérieurement de son professeur, tout en paraissant lui prêter la plus grande attention. Quand un homme considérable et considéré, comme l'était par exemple défunt monsieur votre frère à Paris, mon frère, oui, est menacé d'une déconfiture, ça s'appelle des déconfitures, oui, que sa faillite devient imminente, le tribunal de commerce, dont il est justiciable, je suivais bien, a la faculté, par un jugement, de nommer à sa maison de commerce des liquidateurs. Liquider n'est pas faire faillite, comprenez-vous? En faisant faillite, un homme est déshonoré, mais en liquidant, il reste honnête homme. C'est bien différent si ça ne coûte pas plus cher, dit Grandet. Mais une liquidation peut encore se faire, même sans le secours du tribunal de commerce, car, dit le président en humant sa prise de tabac, comment se déclare une faillite? Oui, je n'y ai jamais pensé, répondit Grandet. Premièrement, reprit le magistrat, par le dépôt du bilan au greffe du tribunal, que fait le négociant lui-même ou son fondé de pouvoir dûment enregistré. Deuxièmement, à la requête des créanciers. Or, si le négociant ne dépose pas de bilan, si aucun créancier ne requiert du tribunal un jugement qui déclare le susdit négociant en faillite, qu'arrive-t-il? Oui, voyons. Alors, la famille du décédé, ses représentants, son noiri, ou le négociant s'il n'est pas mort, ou ses amis s'il est caché, liquident. Peut-être voulez-vous liquider les affaires de votre frère? Demanda le président. Ah, Grandet! S'écria le notaire. Ce serait bien. Il y a de l'honneur au fond de nos provinces. Si vous sauviez votre nom, parce que c'est votre nom, vous seriez un homme sublime, dit le président en interrompant son oncle. Certainement, répliqua le vieux vigneron. Mon frère se nommait Grandet. Tout ou comme moi. C'est sûr et certain. Je ne dis pas non. Et cette liquidation pourrait, dans tous les cas, être sous tous les rares rapports très avantageuse aux intérêts de mon neveu que j'aime. Mais faut voir, je ne connais pas les malins de Paris. Je suis à au mur, moi, voyez-vous. Mes provins, mes fossés, et enfin j'ai mes affaires. Je n'ai jamais fait de billet. Qu'est-ce qu'un billet? J'en ai beaucoup reçu. Je n'en ai jamais si signé. Ça se touche, ça s'escompte. Voilà tout ce que je sais. J'en ai entendu dire qu'on pouvait racheter les bi. Oui, dit le président, on peut acquérir les billets sur la place moyennant tant pour cent. Comprenez-vous ? Grandet se fit un cornet de sa main, l'appliqua sur son oreille et le président lui répéta sa phrase. « Mais, répondit le vigneron, il y a donc à boire et à manger dans tout cela. Je ne sais rien à mon âge de toutes ces choses-là. Je dois rester ici pour veiller aux récoltes. J'ai des affaires majeures à Foifond et des intéressantes. Je ne suis pas à abandonner ma maison pour des embrouillamigeantes de tous les diables où je ne comprends rien. Vous dites que je devrais pour liquider, pour arrêter la déclaration de faillite, être à Paris. On ne peut pas se trouver à la fois en deux endroits, à moins d'être petit oiseau et je vous entends, s'écria le notaire. Eh bien, mon vieil ami, vous avez des amis, de vieux amis, capables de dévouement pour vous. Allons donc, pensait en lui-même le vigneron, décidez-vous donc. Et si quelqu'un partait pour Paris, y cherchait le plus fort créancier de votre frère Guillaume, lui disait « Minute, ici, reprit le bonhomme. Lui disait quoi ? Quelque chose comme ça ? Monsieur Grandet de Saumur, pas par-ci, Monsieur Grandet de Saumur par-là, il aime son frère, il aime son neveu, Grandet est un bon parent, il a de très bonnes intentions, il a bien vendu sa récolte, ne déclarez pas la faillite, assemblez-vous, nommez des liquidateurs, alors Grandet verra. Vous aurez bien davantage en liquidant qu'en laissant les gens de justice y mettre le nez, hein, pas vrai ? Juste, dit le président. Parce que, voyez-vous, monsieur de Bonfond, faut voir avant de se décider. Qui ne peut, en toute affaire onéreuse, pour ne pas se ruiner, il faut connaître les ressources et les charges. Hein, pas vrai ? Certainement, dit le président. Je suis d'avis, moi, qu'en quelques mois de temps, l'on pourra racheter les créances pour une somme de... et payer intégralement par arrangement. L'on mène les chiens bien loin en leur montrant un morceau de lard. Quand il n'y a pas eu de déclaration de faillite et que vous tenez les titres de créance, vous devenez blanc comme neige. Comme neige, répéta Grandet en refaisant un cornet de sa main. Je ne comprends pas la neige. Mais, cria le président, écoutez-moi donc alors. J'écoute. Un effet est une marchandise qui peut avoir sa hausse et sa baisse. Ceci est une déduction du principe de Jeremy Bentham sur l'usure. Ce publiciste a prouvé que le préjugé qui frappait de réprobation les usuriers était une sottise. « Ouais, » fit le bonhomme. « Attendu qu'en principe, selon Bentham, l'argent est une marchandise et que ce qui représente l'argent devient également une marchandise, » reprit le président. « Attendu qu'il est notoire que, soumise aux variations habituelles qui régissent les choses commerciales, la marchandise billet portant telle ou telle signature comme tel ou tel article abonde ou manque sur la place, qu'elle est chère ou tombe à rien, le tribunal ordonne. Tiens, que je suis bête. Pardon. Je suis d'avis que vous pourrez racheter votre frère pour 25 du sang. Vous le nommez Jérémy Bentham, un anglais. Ce Jérémy-là nous fera éviter bien des lamentations dans les affaires, dit le notaire en riant. Ces Anglais ont quelquefois du bon sens, dit Grandet. Ainsi, selon Bentham, si les effets de mon frère ne valent pas, si je dis bien, n'est-ce pas, cela me paraît clair, les créanciers seraient, ne seraient pas, je m'en entends. Laissez-moi vous expliquer tout ceci, dit le président. En droit, si vous possédez les titres de toutes les créances dues par la maison Grandet, votre frère ou ses ouares ne doivent rien à personne. Bien. Bien, répéta le bonhomme. En équité, si les effets de votre frère se négocient, négocie, entendez-vous bien ce terme ? Sur la place, à tant pour cent de perte, si l'un de vos amis a passé par là, s'il les a rachetés, les créanciers ayant été contraints par aucune violence à les donner, la succession de feu Grandet de Paris se trouve loyalement quitte. C'est vrai, les affaires sont les affaires, dit le tonnelier. Cela posé, mais néanmoins, vous comprenez que c'est difficile. Je n'ai pas d'argent, ni le temps. Oui, vous ne pouvez pas vous déranger. Eh bien, je vous offre d'aller à Paris. Vous me tiendriez compte du voyage, c'est une misère. J'y vois les créanciers, je leur parle, j'attermoie, et tout s'arrange avec un supplément de paiement que vous ajoutez aux valeurs de la liquidation afin de rentrer dans les titres de créance. Mais nous verrons cela. Je ne veux pas m'engager sans que qui ne peut. Vous comprenez? Cela est juste. J'ai la tête cassée de ce que vous m'avez décliné là. Voilà la première fois de ma vie que je suis forcé de songer à deux. Et oui, vous n'êtes pas jurisconsulte. Je ne suis qu'un pauvre vigneron et ne sais rien de ce que vous venez de dire. Il faut que j'étudie ça. Eh bien, reprit le président en se posant comme pour résumer la discussion. Mon neveu, fit le notaire d'un ton de reproche en l'interrompant. Eh bien, mon oncle, répondit le président, laisse donc M. Grandet t'expliquer ses intentions. Il s'agit en ce moment d'un mandat important. Notre cher ami doit le définir congru. Un coup de marteau annonça l'arrivée de la famille des Grassins. Leur entrée et leur salutation empêchèrent Cruchot d'achever sa phrase. Le notaire fut content de cette interruption. Déjà Grandet le regardait de travers et sa loupe indiquait un orage intérieur. Mais d'abord, le prudent notaire ne trouvait pas convenable à un président de tribunal de première instance d'aller à Paris pour y faire capituler des créanciers et y prêter les mains à un tripotage qui froissait les lois de la stricte probité. Puis, n'ayant pas encore entendu le père Grandet exprimant la moindre velléité de payer quoi que ce fût, il tremblait instinctivement de voir son neveu engagé dans cette affaire. Il profita donc du moment où les des Grassins entraient pour prendre le président par le bras et l'attirer dans l'embrasure de la fenêtre. « Tu t'es bien suffisamment montré, mon neveu, mais assez de dévouement comme ça. L'envie d'avoir la fille t'aveugle, diable ! Il ne faut pas aller comme une corneille qui abat des noix. Laisse-moi maintenant conduire la barque. Aide seulement à la manœuvre. Est-ce bien ton rôle de compromettre ta dignité de magistrat dans une pareille ?» Il n'acheva pas. Il entendait M. des Grassins disant au vieux tonnelier en lui tendant la main « Grandet, nous avons appris l'affreux malheur arrivé dans votre famille, le désastre de la maison Guillaume Grandet et la mort de votre frère. Nous venons vous exprimer toute la part que nous prenons à ce triste événement. » Il n'y a d'autre malheur, dit le notaire en interrompant le banquier, que la mort de M. Grandet Junior. Encore ne se serait-il pas tué s'il avait eu l'idée d'appeler son frère à son secours. Notre vieil ami qui a de l'honneur jusqu'au bout des ongles compte liquider les dettes de la maison Grandet de Paris. Mon neveu, le président, pour lui épargner les tracas d'une affaire toute judiciaire, lui offre de partir sur le champ pour Paris afin de transiger avec les créanciers et les satisfaire convenablement. » Ces paroles, confirmées par l'attitude du vigneron qui se caressait le menton, surprirent étrangement les trois des Grassins qui, pendant le chemin, avaient midi tout à loisir de l'avarice de Grandet en l'accusant presque d'un fratricide. « Ah, je le savais bien !» s'écria le banquier en regardant sa femme. « Que te disais-je en route, madame des Grassins ? Grandet a de l'honneur jusqu'au bout des cheveux et ne souffrira pas que son nom reçoive la plus légère atteinte. L'argent sans l'honneur est une maladie. Il y a de l'honneur dans nos provinces. Cela est bien. » « Très bien, Grandet. Je suis un vieux militaire. Je ne sais pas déguiser ma pensée. Je la dis rudement. Cela est mille tonnerres sublime. » « Alors le sublime est bien cher, » répondit le bonhomme pendant que le banquier lui secouait chaleureusement la main. « Mais ceci, mon brave Grandet, « n'en déplaise à monsieur le président, » reprit des Grassins, « est une affaire purement commerciale et veut un négociant consommé. Ne faut-il pas se connaître aux comptes de retour, débours, calculs d'intérêt ? Je dois aller à Paris pour mes affaires et je pourrai alors me charger de... Nous verrions donc à tâcher de nous arranger... tous deux dans les possibilités relatives et sans m'engager à quelque chose que je ne voudrais pas faire, » dit Grandet en bégayant. « Parce que, voyez-vous, monsieur le président me demandait naturellement les frais du voyage. » Le bonhomme ne bredouilla plus ces derniers mots. « Eh ! dit madame des Grassins. « Mais c'est un plaisir que d'être à Paris. Je payerais volontiers pour y aller, moi. » Et elle fit un signe à son mari, comme pour l'encourager à souffler cette commission à leurs adversaires, coûte que coûte. Puis elle regarda fort ironiquement les deux Cruchot, qui prirent une mine piteuse. Grandet saisit alors le banquier par un de ses boutons de son habit et l'attira dans un coin. « J'aurai bien plus de confiance en vous que dans le président, lui dit-il. Puis il y a des anguilles sous roche, ajouta-t-il en remuant sa loupe. Je veux me mettre dans la rente. J'ai quelques milliers de francs de rente à faire acheter, et je ne veux placer qu'à 80 francs. Cette mécanique baisse, dit-on, à la fin des mois. Vous vous connaissez à ça, pas vrai ? Pardieu ! Eh bien, j'aurai donc quelques 1000 livres de rente à lever pour vous ? Pas grand-chose pour commencer. Motus, je veux jouer ce jeu-là sans qu'on en sache rien. Vous me concluriez un marché pour la fin du mois, mais n'en dites rien aux Cruchot, ça les taquinerait. Puisque vous allez à Paris, nous y verrons en même temps pour mon pauvre neveu de quelle couleur sont les atouts. Voilà qui est entendu. Je partirai demain en poste, dit à haute voix des Grassins, et je viendrai prendre vos dernières instructions à... À quelle heure ? À 5 heures, avant le dîner, dit le vigneron en se frottant les mains. Les deux parties restèrent encore quelques instants en présence. Desgrassins dit, après une pause, en frappant sur l'épaule de Grandet, « Il fait bon avoir de bons parents, comme ça. »« Oui, oui, sans que ça paraisse, » répondit Grandet, « je suis un bon parent. J'aimais mon frère, et je le prouverai bien si ça ne coûte pas. » « Nous allons vous quitter, Grandet, » dit le banquier, en l'interrompant heureusement avant qu'il achevât sa phrase. « Si j'avance mon départ, il faut mettre en ordre quelques affaires. « Bien, bien, moi-même, rapport à ce que vous savez, je vais me retirer dans ma chambre des délibérations. » comme dit le président Cruchot. Peste, je ne suis plus monsieur de Bonfons, pensa tristement le magistrat, dont la figure prit l'expression de celle d'un juge ennuyé par une plaidoirie. Les chefs des deux familles rivales s'en allèrent ensemble. Ni les uns ni les autres ne songeaient plus à la trahison dont s'était rendu coupable Grandet le matin envers le pays vignoble, et se sondèrent mutuellement, mais en vain, pour connaître ce qu'ils pensaient sur les intentions réelles du bonhomme en cette nouvelle affaire. « Venez-vous chez Madame d'Orsonval avec nous ? » dit Desgrassins au notaire. « Nous irons plus tard, » répondit le président. « Si mon oncle le permet, j'ai promis à Mademoiselle de Gribeaucourt de lui dire un petit bonsoir. » et nous nous y rendrons d'abord. « Au revoir donc, messieurs, » dit Madame Desgrassins. Et quand les Desgrassins furent à quelques pas des deux Cruchot, Adolphe dit à son père, « Il fume joliment, hein ?»« Tais-toi donc, mon fils, » lui répliqua sa mère, « ils peuvent encore nous entendre. D'ailleurs, ce que tu dis n'est pas de bon goût, et sans l'école de droit. » Eh bien, « mon oncle, » s'écria le magistrat quand il vit les Desgrassins éloignés. « J'ai commencé par être le président de Bonfons et j'ai fini par être tout simplement un Cruchot. J'ai bien vu que ça te contrariait, mais le vent était aux Desgrassins. Es-tu bête avec tout ton esprit ? Laisse-les s'embarquer sur un nous verrons du père Grandet et tiens-toi tranquille, mon petit. » Eugénie n'en sera pas moins ta femme. » En quelques instants, la nouvelle de la magnanime résolution de Grandet se répandit dans 3 maisons à la fois, et il ne fut plus question dans toute la ville que du dévouement fraternel. Chacun pardonnait à Grandet sa vente faite au mépris de la foi jurée entre les propriétaires, en admirant son honneur, en vantant une générosité dont on ne le croyait pas capable. Il est dans le caractère français de s'enthousiasmer, de se colérer, de se passionner pour le météore du moment, pour les bâtons flottants de l'actualité. Les êtres collectifs, les peuples seraient-ils donc sans mémoire ? Quand le père Grandet eut fermé la porte, il appela Nanon. « Ne lâche pas le chien et ne dors pas. Nous avons à travailler ensemble. À 11 heures, Cornoyer doit se trouver à ma porte avec le berlingot de Froidfond. Écoute-le venir afin de l'empêcher de cogner. Et dis-lui d'entrer tout bellement. Les lois de police défendent le tapage nocturne. D'ailleurs, le quartier n'a pas besoin de savoir que je vais me mettre en route. » Ayant dit, Grandet remonta dans son laboratoire où Nanon l'entendit remuant, fouillant, allant, venant, mais avec précaution. Il ne voulait évidemment réveiller ni sa femme, ni sa fille, et surtout ne point exciter l'attention de son neveu, qu'il avait commencé par maudire en apercevant de la lumière dans sa chambre. Au milieu de la nuit, Eugénie, préoccupée de son cousin, crut avoir entendu la plainte d'un mourant, et, pour elle, ce mourant était Charles. Elle l'avait quitté si pâle, si désespéré. Peut-être s'était-il tué. Soudain, elle s'enveloppa d'une coiffe, espèce de pelisse à capuchon, et voulut sortir. D'abord, une vive lumière qui passait par les fentes de sa porte lui donna peur du feu. Puis elle se rassura bientôt en entendant les pas pesants de Nanon et sa voix mêlée au hennissement de plusieurs chevaux. « Mon père enlèverait-il mon cousin ?» se dit-elle en entr'ouvrant sa porte avec assez de précaution pour l'empêcher de crier, mais de manière à voir ce qui se passait dans le corridor. Tout à coup, son œil rencontra celui de son père, dont le regard, quelque vague et insouciant qu'il fût, la glaça de terreur. Le bonhomme et Nanon étaient accouplés par un gros gourdin dont chaque bout reposait sur leur épaule droite et soutenait un câble auquel était attaché un barillet semblable à ceux que le père Grandet s'amusait à faire dans son fournil à ses moments perdus. « Sainte Vierge, monsieur, ça pestit !» dit à voix basse la Nanon. « Quel malheur que ce ne soit que des gros sous !» répondit le bonhomme. « Prends garde de heurter le chandelier !» Cette scène était éclairée par une seule chandelle placée entre les deux barreaux de la rampe. « Cornoyer !» dit Grandet à son garde in partibus. « As-tu pris tes pistolets ?»« Non, monsieur Pardet, quoi qu'il y a donc à craindre pour vos gros sous !»« Oh ! « Rien, » dit le père Grandet. « D'ailleurs, nous irons vite, » reprit le garde. « Vos fermiers ont choisi pour vous leurs meilleurs chevaux. »« Bien, bien. Tu ne leur as pas dit où j'allais. »« Je ne le savais point. »« Bien. La voiture est solide ?»« Ça, notre maître ?»« Ah ben, ça porterait 3 000. »« Qu'est-ce que ça pèse donc, vos méchants barils ?»« Tiens, » dit Nanon, « je le savons ben. » Y a ben près de 1 800. Veux-tu te taire, Nanon? Tu diras à ma femme que je suis allé à la campagne. Je serai revenu pour dîner. Va bon train, Cornoyer. Faut être à Angers avant 9 heures. La voiture partit. Nanon verrouilla la grande porte, lâcha le chien, se coucha l'épaule meurtrie, et personne dans le quartier ne soupçonna ni le départ de Grandet, ni l'objet de son voyage. La discrétion du bonhomme était complète. Personne ne voyait jamais un sou dans cette maison pleine d'or. Après avoir appris dans la matinée par les causeries du port que l'or avait doublé de prix par suite de nombreux armements entrepris à Nantes et que des spéculateurs étaient arrivés à Angers pour en acheter, le vieux vigneron, par un simple emprunt de chevaux fait à ses fermiers, se mit en mesure d'aller y vendre le sien et d'en rapporter en valeur du receveur général sur le trésor la somme nécessaire à l'achat de ses rentes après l'avoir grossi de l'agio. « Mon père s'en va, » dit Eugénie, qui du haut de l'escalier avait tout entendu. Le silence était rétabli dans la maison et le lointain roulement de la voiture, qui cessa par degrés, ne retentissait déjà plus dans Saumur endormi. En ce moment, Eugénie entendit en son cœur, avant de l'écouter par l'oreille, une plainte qui perça les cloisons et qui venait de la chambre de son cousin. Une bande lumineuse, fine autant que le tranchant d'un sabre, passait par la fente de la porte et coupait horizontalement les balustres du vieil escalier. « Il souffre, » dit-elle en grimpant de marche. Un second gémissement la fit arriver sur le palier de la chambre. La porte était entr'ouverte, elle la poussa. Charles dormait la tête penchée en dehors du vieux fauteuil, sa main avait laissé tomber la plume et touchait presque à terre. La respiration saccadée que nécessitait la posture du jeune homme effraya soudain Eugénie qui entra promptement. « Il doit être bien fatigué, » se dit-elle en regardant une dizaine de lettres cachetées. Elle en lut les adresses. « À messieurs Farry, Breyman et compagnie, carrossier. » À monsieur Buisson, tailleur, etc. Il a sans doute arrangé toutes ses affaires pour pouvoir bientôt quitter la France, pensa-t-elle. Ses yeux tombèrent sur deux lettres ouvertes. Ces mots, qui en commençaient une, « Ma chère Annette », lui causèrent un éblouissement. Son cœur palpita, ses pieds se clouèrent sur le carreau. « Sa chère Annette ? Il aime, il est aimé. » Plus d'espoir. Que lui dit-il ? Ses idées lui traversèrent la tête et le cœur. Elle lisait ces mots partout, même sur les carreaux, en traits de flamme. Déjà renoncer à lui ? Non, je ne lirai pas cette lettre. Je dois m'en aller. Si je la lisais, cependant. Elle regarda Charles, lui prit doucement la tête, la posa sur le dos du fauteuil, et il se laissa faire comme un enfant qui, même en dormant, connaît encore sa mère et reçoit sans s'éveiller ses soins et ses baisers. Comme une mère, Eugénie releva la main pendante et, comme une mère, elle baisa doucement les cheveux. « Chère Annette !» Un démon lui criait ces deux mots aux oreilles. « Je sais que je fais peut-être mal, mais je la lirai, la lettre, » dit-elle. Eugénie détourna la tête, car sa noble probité gronda. Pour la première fois de sa vie, le bien et le mal étaient en présence dans son cœur. Jusque-là, elle n'avait eu à rougir d'aucune action. La passion, la curiosité l'emportèrent. À chaque phrase, son cœur se gonfla davantage, et l'ardeur piquante qui anima sa vie pendant cette lecture lui rendit encore plus friand les plaisirs du premier amour. « Ma chère Annette, rien ne devait nous séparer, si ce n'est le malheur qui m'accable et qu'aucune prudence humaine n'aurait su prévoir. Mon père s'est tué, sa fortune et la mienne sont entièrement perdues. Je suis orphelin à un âge où, par la nature de mon éducation, je puis passer pour un enfant. Et je dois néanmoins me relever homme de l'abîme où je suis tombé. Je viens d'employer une partie de cette nuit à faire mes calculs. Si je veux quitter la France en honnête homme, et ce n'est pas un doute, je n'ai pas 100 francs à moi pour aller tenter le sort aux Indes ou en Amérique. Oui, ma pauvre Anna, j'irai chercher la fortune sous les climats les plus meurtriers. Sous de tels cieux, elle est sûre et prompte, m'a-t-on dit. Quant à rester à Paris, je ne saurais. Ni mon âme, ni mon visage ne sont faits à supporter les affronts, la froideur, le dédain qui attendent l'homme ruiné. Le fils du failli, bon Dieu, devoir 2 millions, j'y serai tué en duel dès la première semaine. Aussi n'y retournerai-je point. Ton amour, le plus tendre et le plus dévoué qui jamais ait ennobli le cœur d'un homme, ne saurait m'y attirer. Hélas, ma bien-aimée, je n'ai point assez d'argent pour aller au tuer, donner, recevoir un dernier baiser. Un baiser où je puiserai la force nécessaire à mon entreprise. Pauvre Charles, j'ai bien fait de lire. J'ai de l'or. Je le lui donnerai, dit Eugénie. Elle reprit sa lecture après avoir essuyé ses pleurs. Je n'avais point encore songé au malheur de la misère. Si j'ai les 100 louis indispensables au passage, je n'aurai pas un sou pour me faire une pacotille. Mais non, je n'aurai ni 100 louis, ni 1 louis. Je ne connaîtrai ce qui me restera d'argent qu'après les règlements de mes dettes à Paris. Si je n'ai rien, j'irai tranquillement à Nantes, je m'y embarquerai simple matelot, et je commencerai là-bas comme ont commencé les hommes d'énergie qui, jeunes, n'avaient pas un sou et sont devenus riches des Indes. Depuis ce matin, j'ai froidement envisagé mon avenir. Il est plus horrible pour moi que pour tout autre, moi choyé par une mère qui m'adorait, chéri par le meilleur des pères, et qui, à mon début dans le monde, ai rencontré l'amour d'une Anna. Je n'ai connu que les fleurs de la vie. Ce bonheur ne pouvait pas durer. J'ai néanmoins, ma chère Annette, plus de courage qu'il n'était permis à un insouciant jeune homme d'en avoir, surtout à un jeune homme habitué aux cajoleries de la plus délicieuse femme de Paris, bercé par les joies de la famille, à qui tout souriait au logis et dont les désirs étaient des lois pour un père. Oh, mon père, Annette, il est mort. Eh bien, j'ai réfléchi à ma position. J'ai réfléchi à la tienne aussi. J'ai bien vieilli en 24 heures. Chère Anna, si, pour me garder près de toi dans Paris, tu sacrifiais toutes les jouissances de ton luxe, ta toilette, ta loge à l'opéra, nous n'arriverions pas encore au chiffre des dépenses nécessaires à ma vie dissipée. Puis, je ne saurais accepter tant de sacrifices. Nous nous quittons donc aujourd'hui pour toujours. » « Il la quitte, Sainte Vierge, au bonheur !» Eugénie sauta de joie. Charles fit un mouvement. Elle en eut froid de terreur. Mais, heureusement pour elle, il ne s'éveilla pas. Elle reprit. Quand reviendrai-je, je ne sais. Le climat des Indes vieillit promptement un Européen, et surtout un Européen qui travaille. Mettons-nous à 10 ans d'ici. Dans 10 ans, ta fille aura 18 ans. Elle sera ta compagne, ton espion. Pour toi, le monde sera bien cruel. Ta fille le sera peut-être davantage. Nous avons vu des exemples de ces jugements mondains et de ces ingratitudes de jeunes filles. Sachons en profiter. Garde au fond de ton âme, comme je le garderai moi-même, le souvenir de ces 4 années de bonheur, et sois fidèle, si tu peux, à ton pauvre ami. Je ne saurais toutefois l'exiger, parce que, vois-tu, ma chère Annette, je dois me conformer à ma position, voir bourgeoisement la vie et la chiffrer au plus vrai. Donc, je dois penser au mariage, qui devient une des nécessités de ma nouvelle existence. Et je t'avouerai que j'ai trouvé ici, à Saumur, chez mon oncle, une cousine dont les manières, la figure, l'esprit et le cœur te plairaient, et qui, en outre, me paraît avoir... » Il devait être bien fatigué pour avoir cessé de lui écrire, se dit Eugénie en voyant la lettre arrêtée au milieu de cette phrase. Elle le justifiait. N'était-il pas impossible, alors que cette innocente fille s'aperçut de la froideur empreinte dans cette lettre, aux jeunes filles religieusement élevées, ignorantes et pures, tout est amour dès qu'elles mettent le pied dans les régions enchantées de l'amour. Elles y marchent, entourées de la céleste lumière que leur âme projette et qui rejaillit en rayons sur leur amant. Elles le colorent des feux de leurs propres sentiments et lui prêtent leurs belles pensées. Les erreurs de la femme viennent presque toujours de sa croyance au bien ou de sa confiance dans le vrai. Pour Eugénie, ces mots « ma chère Annette, ma bien-aimée » lui résonnaient au cœur comme le plus joli langage de l'amour et lui caressaient l'âme comme, dans son enfance, les notes divines du « Venite adoremus » redites par l'orgue lui caressèrent l'oreille. D'ailleurs, les larmes qui baignaient encore les yeux de Charles lui accusaient toutes les noblesses du cœur par lesquelles une jeune fille doit être séduite. Pouvait-elle savoir que si Charles aimait tant son père et le pleurait si véritablement, cette tendresse venait moins de la bonté de son cœur que des bontés paternelles ? Monsieur et Madame Guillaume Grandet, en satisfaisant toujours les fantaisies de leur fils, en lui donnant tous les plaisirs de la fortune, l'avait empêché de faire les horribles calculs dont sont plus ou moins coupables à Paris la plupart des enfants quand, en présence des jouissances parisiennes, ils forment des désirs et conçoivent des plans qu'ils voient avec chagrin incessamment ajournés et retardés par la vie de leurs parents. La prodigalité du père alla donc jusqu'à semer dans le cœur de son fils un amour filial vrai, sans arrière-pensée. Néanmoins, Charles était un enfant de Paris, habitué par les mœurs de Paris, par Annette elle-même, à tout calculer, déjà vieillard sous le masque du jeune homme. Il avait reçu l'épouvantable éducation de ce monde où, dans une soirée, il se commet en pensée, en parole, plus de crimes que la justice n'en punit au cours d'assises, où les bons mots assassinent les plus grandes idées, où l'on ne passe pour fort qu'autant que l'on voit juste. Et là, voir juste, c'est ne croire à rien, ni aux sentiments, ni aux hommes, ni même aux événements. On y fait de faux événements. Là, pour voir juste, il faut peser chaque matin la bourse d'un ami, savoir se mettre politiquement au-dessus de tout ce qui arrive, provisoirement ne rien admirer, ni les œuvres d'art, ni les nobles actions, et donner pour mobile à toute chose l'intérêt personnel. Après mille folies, la grande dame, la belle Annette, forçait Charles à penser gravement. Elle lui parlait de sa position future, en lui passant dans les cheveux une main parfumée, en lui refaisant une boucle. Elle lui faisait calculer la vie. Elle le féminisait et le matérialisait. Double corruption, mais corruption élégante et fine, de bon goût. « Vous êtes niais, Charles, » lui disait-elle. « J'aurai bien de la peine à vous apprendre le monde. Vous avez été très mal pour Monsieur des Loupeaux. Je sais bien que c'est un homme peu honorable, mais attendez qu'il soit sans pouvoir, alors vous le mépriserez à votre aise. Savez-vous ce que Madame Campan nous disait ? Mes enfants, tant qu'un homme est au ministère, adorez-le. Tombe-t-il, aidez à le traîner à la voirie. Puissant, il est une espèce de dieu. Détruit, il est au-dessous de Marat dans son égout, parce qu'il vit et que Marat était mort. La vie est une suite de combinaisons et il faut les étudier, les suivre, pour arriver à se maintenir toujours en bonne position. » Charles était un homme trop à la mode. Il avait été trop constamment heureux par ses parents, trop adulé par le monde pour avoir de grands sentiments. Le grain d'or que sa mère lui avait jeté au cœur s'était étendu dans la filière parisienne. Il l'avait employé en superficie et devait l'user par le frottement. Mais Charles n'avait encore que 21 ans. À cet âge, la fraîcheur de la vie semble inséparable de la candeur de l'âme. La voix, le regard, la figure paraissaient en harmonie avec les sentiments. Aussi, le juge le plus dur, l'avoué le plus incrédule, l'usurier le moins facile, hésite-t-il toujours à croire à la vieillesse du cœur, à la corruption des calculs, quand les yeux nagent encore dans un fluide pur et qu'il n'y a point de rides sur le front. Charles n'avait jamais eu l'occasion d'appliquer les maximes de la morale parisienne et, jusqu'à ce jour, il était beau d'inexpérience. Mais, à son insu, l'égoïsme lui avait été inoculé. Les germes de l'économie politique à l'usage du Parisien, latents dans son cœur, ne devaient pas tarder à y fleurir. Aussitôt que de spectateur oisif, il deviendrait acteur dans le drame de la vie réelle. Presque toutes les jeunes filles s'abandonnent aux douces promesses de ces dehors. Mais Eugénie eût-elle été prudente et observatrice, autant que le sont certaines filles en province, aurait-elle pu se défier de son cousin quand, chez lui, les manières, les paroles et les actions s'accordaient encore avec les aspirations du cœur. Un hasard fatal pour elle lui fit essuyer les dernières effusions de sensibilité vraie qui fut en ce jeune cœur et entendre, pour ainsi dire, les derniers soupirs de la conscience. Elle laissa donc cette lettre pour elle pleine d'amour et se mit complaisamment à contempler son cousin endormi. Les fraîches illusions de la vie jouaient encore pour elle sur ce visage. Elle se jura d'abord à elle-même de l'aimer toujours. Puis, elle jeta les yeux sur l'autre lettre, sans attacher beaucoup d'importance à cette indiscrétion, et, si elle commença de la lire, ce fut pour acquérir de nouvelles preuves des nobles qualités que, semblable à toutes les femmes, elle prêtait à celui qu'elle choisissait. Mon cher Alphonse, au moment où tu liras cette lettre, je n'aurai plus d'amis, mais je t'avoue qu'en doutant de ces gens du monde habitués à prodiguer ce mot, je n'ai pas douté de ton amitié. Je te charge donc d'arranger mes affaires et compte sur toi pour tirer un bon parti de tout ce que je possède. Tu dois maintenant connaître ma position. Je n'ai plus rien et veux partir pour les Indes. Je viens d'écrire à toutes les personnes auxquelles je crois devoir quelque argent, et tu en trouveras ci-joint la liste aussi exacte qu'il m'est possible de la donner de mémoire. Ma bibliothèque, mes meubles, mes voitures, mes chevaux, etc. suffiront, je crois, à payer mes dettes. Je ne veux me réserver que les babioles sans valeur qui seront susceptibles de me faire un commencement de pacotille. Mon cher Alphonse, je t'enverrai d'ici, pour cette vente, une procuration régulière en cas de contestation. Tu m'adresseras toutes mes armes, puis tu garderas pour toi Briton. Personne ne voudrait donner le prix de cette admirable bête. J'aime mieux te l'offrir comme la bague d'usage que lègue un mourant à son exécuteur testamentaire. On m'a fait une très confortable voiture de voyage chez les Fari, Brainman et compagnie, mais ils ne l'ont pas livrée. Obtiens d'eux qu'ils la gardent sans me demander d'indemnité. S'ils se refusaient à ces arrangements, évite tout ce qui pourrait entacher ma loyauté dans les circonstances où je me trouve. Je dois 6 louis à l'insulaire perdu au jeu. Ne manque pas de les lui. Cher cousin, dit Eugénie en laissant la lettre et se sauvant à petits pas chez elle avec une de ses bougies allumées. Là, ce ne fut pas sans une vive émotion de plaisir qu'elle ouvrit le tiroir d'un vieux meuble en chêne, l'un des plus beaux ouvrages de l'époque nommé « La Renaissance » et sur lequel se voyait encore à demi effacée la fameuse salamandre royale. Elle y prit une grosse bourse en velours rouge à gland d'or et bordée de canetilles usées provenant de la succession de sa grand-mère. Puis, elle pesa fort orgueilleusement cette bourse et se plut à vérifier le compte oublié de son petit pécule. Elle sépara d'abord 20 portugaises encore neuves, frappées sous le règne de Jean V en 1725, valant réellement au change 5 lisbonines ou chacune 168 francs, 64 centimes, lui disait son père, mais dont la valeur conventionnelle était de 180 francs, attendu la rareté, la beauté desdites pièces qui reluisaient comme dix soleils. Item, 5 génovines ou pièces de 100 livres de Gênes, autre monnaie rare et valant 87 francs au change, mais 100 francs pour les amateurs d'or. Elle lui venait du vieux monsieur de la Bertelière. Item, 3 quadruples d'or espagnol de Philippe V, frappé en 1729, donné par Madame Gentillet, qui, en les lui offrant, lui disait toujours la même phrase. « Ce cher serin-là, ce petit jaunet, vaut 98 livres. Gardez-le bien, ma mignonne, ce sera la fleur de votre trésor. » Item, ce que son père estimait le plus. L'or de ces pièces était à 23 carats et une fraction. 100 ducats de Hollande, fabriqués en l'an 1756 et valant près de 13 francs. Item, une grande curiosité. Des pièces de médailles précieuses aux avares, 3 roupies au signe de la balance et 5 roupies au signe de la Vierge, toutes d'or pur à 24 carats. la magnifique monnaie du grand Mogol et dont chacune valait 37 francs 40 centimes au poids, mais au moins 50 francs pour les connaisseurs qui aiment à manier l'or. Item, le Napoléon de 40 francs reçu l'avant-veille et qu'elle avait négligemment mis dans sa bourse rouge. Ce trésor contenait des pièces neuves et vierges, de véritables morceaux d'art desquels le père Grandet s'informait parfois et qu'il voulait revoir afin de détailler à sa fille les vertus intrinsèques comme la beauté du cordon, la clarté du plat, la richesse des lettres dont les vives arêtes n'étaient pas encore rayées. Mais elle ne pensait ni à ses raretés, ni à la manie de son père, ni au danger qu'il y avait pour elle de se démunir d'un trésor si cher à son père. Non, elle songeait à son cousin et parvint enfin à comprendre, après quelques fautes de calcul, qu'elle possédait environ 5 800 francs en valeur réelle, qui, conventionnellement, pouvait se vendre près de 2 000 écus. À la vue de ses richesses, elle se mit à applaudir en battant des mains, comme un enfant forcé de perdre son trop-plein de joie dans les naïfs mouvements de son corps. Ainsi le père et la fille avaient compté chacun leur fortune. Lui pour aller vendre son or, Eugénie pour jeter le sien dans un océan d'affection. Elle remit les pièces dans la vieille bourse, la prit et remonta sans hésitation. La misère secrète de son cousin lui faisait oublier la nuit les convenances. Puis, elle était forte de sa conscience, de son dévouement, de son bonheur. Au moment où elle se montra sur le seuil de la porte, en tenant d'une main la bougie, de l'autre sa bourse, Charles se réveilla, vit sa cousine et resta béant de surprise. Eugénie s'avança, posa le flambeau sur la table et dit d'une voix émue : « Mon cousin, j'ai à vous demander pardon d'une faute grave que j'ai commise envers vous, mais Dieu me le pardonnera, ce péché, si vous pouvez l'effacer. » « Qu'est-ce donc ? » dit Charles en se frottant les yeux. « J'ai lu ces deux lettres. » Charles rougit. « Comment cela s'est-il fait ? » reprit-elle. « Pourquoi me suis-je montée ? » ?»« En vérité, maintenant, je ne le sais plus. » Mais je suis tenté de ne pas trop me repentir d'avoir lu ces lettres, puisqu'elles m'ont fait connaître votre cœur, votre âme et... « Et quoi ?» demanda Charles. « Et vos projets, la nécessité où vous êtes d'avoir une somme ?»« Ma chère cousine, chut, chut, mon cousin, pas si haut, n'éveillons personne. »« Voici, » dit-elle en ouvrant sa bourse, « les économies d'une pauvre fille qui n'a besoin de rien. » Charles, acceptez-les. Ce matin, j'ignorais ce qu'était l'argent. Vous me l'avez appris, ce n'est qu'un moyen. Voilà tout. Un cousin est presque un frère. Vous pouvez bien emprunter la bourse de votre sœur. Eugénie, autant femme que jeune fille, n'avait pas prévu des refus et son cousin restait muet. Eh bien, vous refuseriez ? Demanda Eugénie dont les palpitations retentirent au milieu du profond silence. L'hésitation de son cousin l'humilia, mais la nécessité dans laquelle il se trouvait se représenta plus vivement à son esprit et elle plia le genou. « Je ne me relèverai pas que vous n'ayez pris cet or, » dit-elle. « Mon cousin, de grâce, une réponse !» Que je sache si vous m'honorez, si vous êtes généreux, si, en entendant le cri d'un noble désespoir, Charles laissa tomber des larmes sur les mains de sa cousine, qu'il saisit afin de l'empêcher de s'agenouiller. En recevant ses larmes chaudes, Eugénie sauta sur la bourse et la lui versa sur la table. « Eh bien, oui, n'est-ce pas ? » dit-elle en pleurant de joie. « Ne craignez rien, mon cousin, vous serez riche. « Cet or vous portera bonheur. Un jour, vous me le rendrez. D'ailleurs, nous nous associerons. Enfin, je passerai par toutes les conditions que vous m'imposerez. Mais vous devriez ne pas donner tant de prix à ce don. » Oui, Eugénie, j'aurais l'âme bien petite si je n'acceptais pas. Cependant, rien pour rien, confiance pour confiance. Que voulez-vous ? Dit-elle effrayée. Écoutez, ma chère cousine, j'ai là... Il s'interrompit pour montrer sur la commode une caisse carrée enveloppée d'un surtout de cuir. Là, voyez-vous, une chose qui m'est aussi précieuse que la vie. Cette boîte est un présent de ma mère. Depuis ce matin, je pensais que, si elle pouvait sortir de sa tombe, elle vendrait elle-même l'or que sa tendresse lui a fait prodiguer dans ce nécessaire. Mais, accomplie par moi, cette action m'apparaîtrait un sacrilège. Eugénie serra convulsivement la main de son cousin en entendant ces derniers mots. Non, reprit-il après une légère pause, pendant laquelle tous deux ils se jetèrent un regard humide. Non, je ne veux ni le détruire, ni le risquer dans mes voyages. Chère Eugénie, vous en serez dépositaire. Jamais ami n'aura confié quelque chose de plus sacré à son ami. Soyez-en juge. Il alla prendre la boîte, la sortit du fourreau, l'ouvrit et montra tristement à sa cousine émerveillée un nécessaire où le travail donnait alors un prix bien supérieur à celui de son poids. Ce que vous admirez n'est rien, dit-il en poussant un ressort qui fit partir un double fond. Voilà ce qui pour moi vaut la terre entière. Il tira deux portraits, deux chefs-d'œuvre de Madame de Mirbel, richement entourés de perles. Oh, la belle personne! N'est-ce pas cette dame à qui vous écrivez? Non, dit-il en souriant. Cette femme est ma mère, et voici mon père, qui sont votre tante et votre oncle. Eugénie, je devrais vous supplier à genoux de me garder ce trésor. Si je périssais en perdant votre petite fortune, cet or vous dédommagerait. Et à vous seul, je puis laisser les deux portraits. Vous êtes digne de les conserver. Mais détruisez-les, afin qu'après vous, ils n'aillent pas en d'autres mains. Eugénie se taisait. Eh bien, oui, n'est-ce pas ? Ajouta-t-il avec grâce. En entendant les mots que venait de dire son cousin, elle lui jeta son premier regard de femme aimante, un de ces regards où il y a presque autant de coquetterie que de profondeur. Il lui prit la main et la baisa. Ange de pureté, entre nous, n'est-ce pas ? L'argent ne sera jamais rien. Le sentiment qui en fait quelque chose sera tout désormais. Vous ressemblez à votre mère. Avait-elle la voix aussi douce que la vôtre ? Oh, bien plus douce. Oui, pour vous, dit-elle en abaissant ses paupières. Allons, Charles, couchez-vous, je le veux. Vous êtes fatigué. À demain. Elle dégagea doucement sa main d'entre celles de son cousin, qui la reconduisit en l'éclairant. Puis ils furent tous deux sur le seuil de la porte. « Ah ! Pourquoi suis-je ruiné ? » dit-il. « Bah ! Mon père est riche, je le crois, » répondit-elle. « Pauvre enfant !» reprit Charles en avançant un pied dans la chambre et s'appuyant le dos au mur. Il n'aurait pas laissé mourir le mien. Il ne vous laisserait pas dans ce dénuement. Enfin, il vivrait autrement. Mais il a froid fond. Et que vaut froid fond ? Je ne sais pas, mais il a noyé. Quelque mauvaise ferme. Il a des vignes et des prés. Des misères, dit Charles d'un air dédaigneux. Si votre père avait seulement 24 000 livres de rente, habiteriez-vous dans cette chambre froide et nue ? Ajouta-t-il en avançant le pied gauche. Là seront donc mes trésors, dit-il en montrant le vieux bahut pour voiler sa pensée. Allez dormir, dit-elle en l'empêchant d'entrer dans une chambre en désordre. Charles se retira, et ils se dirent bonsoir par un mutuel sourire. Fin de la sixième partie.